Digite 2, compréhension auditive. Phase 1, regardez les images et répétez les phrases que vous entendez. 1. Il est ma sœur. 2. Il est cinéaste. 3. Il est prêtre. 4. C'est un routier dans son camion. 5. Elle est avocate. 6. Elle est dactylo. 7. C'est un homme d'affaires. 8. Il est agriculteur. 9. Elle est dans l'enseignement. Phase 2. Écrivez la lettre de chaque phrase que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Monsieur Bello voulait être ma sœur. B. C'est un homme d'affaires. C. Robert avait un ami qui voulait se faire prêtre. D. Elle est dans l'enseignement. Elle est professeure d'anglais. E. Ce n'est pas facile de réussir dans le cinéma. Pour réussir comme cinéaste, il faut avoir beaucoup de talent. F. Elle travaille comme dactylo dans le bureau de son papa. G. Elle est avocate. H. Il est agriculteur. I. Le beau-frère de Mireille voulait être routier pour conduire des camions énormes.